Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 6 courant aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de la proclamation de l'administration de Trump sur le retrait du traité de Paris, traité sur le changement climatique. En voici le résumé. Le 1er juin, le président américain Trump a officiellement proclamé le retrait de son pays du traité de Paris sous prétexte qu'il ne convient pas à son pays et endommage ses citoyens. Le réchauffement de la Terre est un des défis actuels sérieux de l'humanité et les efforts contre lui ont commencé depuis des dizaines d'années déjà. En tant que résultat de tels efforts, a vu le jour le traité de Paris qui a défini la réduction par chaque pays des émissions du gaz carbonique. La proclamation sur le retrait américain du traité de Paris soulève la protestation et les critiques du monde entier envers les États-Unis. L'expansion de la primauté américaine de Trump jusqu'au retrait du traité de Paris est l'apogée de l'égoïsme et de la lâcheté morale de vivre bien seulement eux aux dépens du monde entier. C'est également une absurdité myope ne comprenant pas encore la raison que la protection de l'environnement de la Terre est également utile à leur pays. L'égoïsme américain inflige de mauvaises influences aux efforts internationaux pour la protection de l'environnement et provoque de grands dangers dans d'autres secteurs aussi. L'exemple typique, c'est l'attitude américaine vis-à-vis du problème nucléaire dans la péninsule coréenne. Non satisfait de la politique d'hostilité envers la Corée, les États-Unis obligent maintenant d'autres pays à sacrifier les rapports avec notre pays sous prétexte de sécurité américaine, ce qui constitue un acte extrêmement injuste et dangereux. Le monde ne doit plus être indécis et il doit rehausser la vigilance au courant idéologique dangereux des États-Unis qui a vu le jour avec l'avènement de l'administration de Trump. Que l'on sache que si on se laisse aller suivant la fanfaronnade de Trump, on sera jugé de la même façon que les États-Unis quand ils seront condamnés à l'avenir par l'histoire.